voilà dans de beaux bras, fils de pute. Piaz, sur une prod à Nostra. Pour la Blancock Street, 9-3-1-5-0. Piaz, Ska. L'ironie du sort, c'est qu'on est au seuil de la pauvreté. Il ne m'est pas permis d'inventer une vie qui n'est pas la mienne. La mort se promène, je vais peut-être déjà serrer la main plusieurs reprises sans le savoir. S'il existe vraiment des hommes et des femmes heureux, je voudrais voir ça pour y croire. La gloire n'est pas la bienvenue dans mon périmètre. Y'a péril en la demeure, on se dirige dans le mur sans armure. Donc logiquement on meurt, tous ceux qui murmurent finissent dans une mare de sang. Ce que je ressens n'est pas pour les âmes sensibles. J'écris sale mais lisiblement, je ressens tes tremblements et j'entends tes grincements dedans. Car tu sais que j'ai la vengeance dans la peau, mon drapeau est noir avec des empreintes de sang. Quand l'indécent redescend dans son trois rats, c'est mauvais signe. J'ai beaucoup trop de dégoût, donc je m'engouffre rapidement dans le gouffre. Et je me goinfre avec ce rap sale qui dégouline. Cru et non commercial, voilà ce que je souligne. Et ce que je soulève en restant digne. J'ai beaucoup trop de dégoût, donc je m'engouffre rapidement dans le gouffre. Et je me goinfre avec ce rap sale qui dégouline. Cru et non commercial, voilà ce que je souligne. Et ce que je soulève en restant digne. J'ai un sale arrière-goût du dégoût. Goûte mon son et tu t'apercevras qu'il est aussi sombre et visqueux que le goudron. Mon cœur est goudronné, voilà pourquoi j'ai ce style de rap à te donner. Je suis en train de m'éloigner, tout en continuant à témoigner. Les menottes serrées au poignet, je suis ce fameux meurtrier au MIC qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Sinon c'est l'estocade, et tu finiras sous l'estrade. Plus le temps est maussade, et plus mes morceaux seront crades. Regarde comment le monde se dégrade. La méchanceté est beaucoup trop grande pour pouvoir l'atteindre. Elle n'est pas prête de s'éteindre, prête à tout pour atteindre son but. Cette sale pute recrute, et certains exécutent ses ordres. Les principaux responsables de ce désordre sont ceux qui lâchent l'effort de l'ordre. On va vous mordre à la gorge sans lâcher prise. Si c'est la crise financière, faudra pas qu'on se croise, car y'a du dégoût dans l'air. J'ai beaucoup trop de dégoût, donc je m'engouffre rapidement dans le gouffre. Et je me goinfre avec ce rap sale qui dégouline. Cru et non commercial, voilà ce que je souligne. Et ce que je soulève en restant digne. J'ai beaucoup trop de dégoût, donc je m'engouffre rapidement dans le gouffre. Et je me goinfre avec ce rap sale qui dégouline. Cru et non commercial, voilà ce que je souligne. Et ce que je soulève en restant digne. En restant digne. La plaisanterie a assez duré, voilà pourquoi je pète une durite. Je possède les rimes les plus illicites, les plus consistants, avec aucune limite. J'ai pas besoin qu'on me félicite, pas besoin d'une élite. Piaz, c'est solo sur ce titre, alors c'est en solo que je milite. J'ai bu des litres et des litres, et versé des litres et de larmes, acidifiées, paix à mon arme. Actuellement dans mon 3A, à chaque sortie j'échappe de peu à la mort au rap. Je le répète, la mort du rap me ferait plus mal que l'amour du pape. Attends sale wack que je t'attrape, Blancock Street, les chasseurs de wack. Chers compatriotes, je compatis avec votre appétit. L'apprenti qui viendra test, prendra du ferme, 93 piges avec 150 co-détenus. J'ai beaucoup trop de dégoût, donc je m'engouffre rapidement dans le gouffre. Et je me goinfre avec ce rap sale qui dégouline. Cru et non commercial, voilà ce que je souligne. Et ce que je soulève en restant digne. J'ai beaucoup trop de dégoût, donc je m'engouffre rapidement dans le gouffre. Et je me goinfre avec ce rap sale qui dégouline. Cru et non commercial, voilà ce que je souligne. Et ce que je soulève en restant digne. En restant digne. PYAZ, prosterne-toi Yaska. Blancock, 9-3. Pour le SYPS et les quelques frères qu'il me reste. Vla, vla.